va tout péter, hein. 2017, t'inquiète, tu t'attends pas, ça viendra dans la nuit. Mon avenir, pendant toi tu penses à tenir. Prends plus tu mon poteau, qu'est-ce que t'attends pour venir? Si t'es jalouse des nerfs, tout ça au lieu de te soutenir. Toi disant pour moi tu niques des mères, j'ai bon souvenir. Vous m'avez pompé l'air, je me salais dans un coin peinard. Je pense des sandwichs au quartier pendant que vous posez des ruinards. Je serai pas costaud comme Popeye, même si je mange 2 kills d'épinards. Ils vont passer où tes milliards quand t'auras le corps dans le corbillard. Je rappe tassé le soir et je paye un tour vers corbillard. Quand tu pour l'ensemble un chien, ça fait entre deux pilières. Je vous t'arrange par là, ça arrête de jouer le pire. Pas les boules, là c'est mes couilles, je suis posé sur le billard. J'ai misé sur l'attaque, je vais renforcer la charnière. Et des embrouilles au quartier, avec juste à nos barrières. Je traîne à la place ou autre à moi, en bas de la pente à la barrière. On dit Joe, je serai pas là si j'aurais eu ta carrière. Je me chie dans le tabac, j'ai mis des routes dans la bière. Je suis plus comme un gamin de ton genre, j'étais des pires. On connaît la galère, toi la tomate pas sanglière. Les soirées quand y'a pas un pour récupérer la caisse à la fourrière. Au début je faisais ça pour rire, un jour j'arrêtais ça se pourrir. Les potos comme les fruits, on m'a dit des fois ça pourrit. Tu laisses qui vite à secourir, tu caches dans ce trou de souris. Un pour tous, tous pour un, y'a eu la rame à tous couru. J'ai de l'insulte, faut que tirer deux sur un slip. Je suis triste comme l'insulte, fais le single, je fais un screen. M'en veux pas, je m'exprime, mets-toi ça dans l'esprit. Ennemi public du game numéro 1, appelle-moi Jacques Mainstream. Quand je rentre dans la tête, je vois beaucoup de têtes de balafrées. Des dents cassées, des mecs qui sortent le couteau, le monde pas la vraie. Il fait ta même bon, va passer l'été au quartier. Je connais le travail de bon matin, sans personne pour les gens chantier. Oh, ok, je vais vraiment les choquer. Je vais vraiment les voir, que tu vas aller voir s'il faut, ok. Boulette sur sèche baquée, je suis sur plein embarqué. En 6.3 AMG, tu vas me voir débarquer. Il fait froid, j'ai mis la part, cache ton challenge, ok, soit. Je vais les niquer, si tu peux empêcher, moi la vie c'est brutale. Comme un coup de batte dans le front, ils font faim, je me sens coupable dans le fond. Ça me chauffe et on me dit fais pas attention. Mais je te mens pas là, elle monte l'attention. On est garçon, dans la place, ouais. En contrefaçon, j'ai pas la classe, ouais. Mais bon passons, faut que je brasse, ouais. Tu plains de façon, mais c'est pas grave, ouais. Faut que je pas calade, me dis pas à oubé, me raconte pas calade. Il est bizarre, il dit même plus sa lame. Ça l'a braqué, il a rangé sa lame. À ce qui paraît, le phénomène c'est souple. Bientôt le 13ème album, je te souffle. Et j'en ai deux autres de préco près. Au cas où tu voudrais faire le jour, tu verras des gros dos sur la moto. Ça répond pas, ça fait parler l'auto. Je pense en rappel de photo. Quand même, je fais tranquille dodo. Ça des gros dos sur la moto. Ça répond pas, ça fait parler l'auto. Je pense en rappel de photo. Quand même, je fais tranquille dodo. La machine à l'élancer, elle s'arrête plus, hein. T'es plus dans le studio, et merci, hein. 1-3, 2017, c'est comme 2016, c'est comme 2015, c'est comme 2014, hein. Faut écouter.